je n'en valais plus la chandelle. T'étais pas beau, elles étaient belles. Le bonheur te semblait irréel, l'avenir pire que le présent. Le mal qui saisissait tes membres, est-ce qu'on pouvait vraiment comprendre? Mais tu restes un homme. Vincent, tu sais, ta douleur, elle leur faisait bien trop peur. Ni souffrir, ni vieillir, ni mourir, c'est leur credo déshumanisé. Le bonheur qu'on nous vend, c'est la gloire. Le fric, les filles et les stars. Et la sacro-sainte beauté, où était ta place dans ces clichés? Il est beau, il y a le blanc, bien loin de celui de l'hosto. Il y a le blanc des cieux lumineux. Qu'il est beau, il y a le blanc, bien loin de celui des labos. Vincent, tu sais, la souffrance est un scandale pour les gens en France. On préfère maîtriser, contrôler face à la moindre fragilité. Au lieu de soulager ta peine, on démissionne sans gêne. Alors que tu gagnais ton ciel. Vincent, maintenant que tu connais celui pour qui t'as été créé, qui a souffert pour toi et bien plus que toi. Si on t'avait parlé du père, des raisons de ta vie sur terre, c'est sûr à tous les coups, t'aurais tenu. Il est beau, il y a le blanc, bien loin de celui de l'hosto. Il y a le blanc des amants, si blanc qu'il est beau. Il y a le blanc.